kulima pamoja. Changu changu tumepata uhuru wetu, changu changu tumepigana kwa haki. Changu changu tumepata uhuru wetu, changu changu tumepigana kwa haki. Moto kisiwani, moto wa mapinduzi. Moto kisiwani, moto wa mapinduzi. Le feu de la révolution, yeah. Y'a le feu dans les îles. Lève-toi pour l'émancipation. Babylone qui trône. Les jeunes qui se rassemblent. Babylone qui tremble. Tous ensemble, Babylone qui tremble. Oh là, oh là, oh là, oh là. Moto kisiwani, moto wa mapinduzi. Moto kisiwani, moto wa mapinduzi. Juju inalia, vijana wanakusania. Juju inalia, wakulima pamoja. Changu changu tumepata uhuru wetu, changu changu tumepigana kwa haki. Changu changu tumepata uhuru wetu, changu changu tumepigana kwa haki. Moto kisiwani, moto wa mapinduzi. Moto kisiwani, moto wa mapinduzi. Eh, oh, ah, moto kisiwani. Eh, wo wo wo, ah, moto wa mapinduzi. Eh. Oh, ah, moto kisiwani. Eh, oh, oh, oh, ah, moto wa mapinduzi. Toujours sur Radio Libertaire 89.4 et ses bulles de rêve, émission consacrée au cinéma d'animation. On va discuter un petit peu avec Arnaud Demuynck maintenant, qui est un peu malade, alors vous m'excuserez, mais j'espère qu'il parlera pas trop du nez. Je vais essayer. Bonjour Arnaud. Alors, Arnaud Demuynck est producteur, scénariste et réalisateur. Oui, alors ça fait beaucoup de choses. Hein. Commencer comme producteur et scénariste. Au début, formation de scénariste, et en étant dans cette formation de scénariste, j'ai rencontré des cinéastes qui prenaient des cours de scénario, et comme j'avais fait un DEUG en ingénieur commercial à Bruxelles avant, donc HEC en fait, ben, il y en a qui m'ont demandé de les aider à monter leur projet, leur budget, leur dossier, mais en toute amitié. Et donc je l'ai fait pour un premier cinéaste qui s'appelait Manuel Pout, pas en animation, en fiction, et bon, il a bien fallu créer une ASOS, bon, une ASBL, parce que j'étais à Bruxelles, donc ça s'appelle une ASBL, une loi 1901, et puis un deuxième ami m'a demandé, et puis comme ça je suis devenu de fil en aiguille producteur. Producteur par accident. Par accident ou par amitié, en tout cas je suis tombé dedans comme ça et j'y suis resté. Et alors le deal, ça a été pendant un certain temps, moi j'écrivais des scénarios que réalisais, que je produisais, et puis en échange, quelque part, enfin en échange, c'était pas une obligation, mais je produisais ce qu'eux écrivaient aussi. Donc des courts-métrages, mais aussi des documentaires, même de longs d'ailleurs. Oui, bon, je faisais fiction, documentaire, je faisais tout. D'ailleurs, mon premier scénario qui avait eu la Bourse Beaumarchais il y a 10 ans, qui s'appelait L'insomnie pastorale, était un scénario d'animation. Donc je faisais un peu de tout, ce que j'ai dû arrêter, parce que c'est un peu infernal de faire à la fois du doc, du long, du court, de la fiction, de l'animation. Donc il y a 4 ans, j'ai décidé de me consacrer exclusivement au film d'animation, court-métrage surtout. Alors, donc... Ouais. Non mais c'est intéressant. Quand même. Alors donc en 2001, c'est ça? En 2000, j'ai réalisé mon premier film en tant que réalisateur. L'Écluse, qui était de l'animation, qui est de la fiction. Et puis et là j'ai basculé. J'étais pas très heureux parce que j'avais voulu introduire des choses assez oniriques, assez surréalistes dans la fiction et je n'y arrivais pas. Et j'ai eu le tilt. Je me dis en animation, je vais parvenir à écrire, à montrer, à dire ce que je n'arrive pas à dire en fiction, en tant que producteur, autant qu'en tant que scénariste, autant qu'en tant que réalisateur. Vous avez déjà produit des courts-métrages d'animation, Fragile par exemple. Fragile de Daniel Virotte, L'insomnie pastorale de Cécile Marat, et puis Une nuit de cafard de Jacques Donjean, qui est un film d'animation image de synthèse. Ça se voit pas, parce que justement, c'était un peu la clé, il fallait pas que ça se voit. Mais donc, j'y goûtais, et c'est vrai que je m'étais rendu compte que le public était beaucoup plus là quand je faisais de l'animation que quand je faisais de la fiction. En fiction, j'avais 2-3 copies qui circulaient dans 10 festivals, et en animation, bah, il y a 30 à 50 copies qui circulent dans 100 festivals. Donc, c'est beaucoup plus agréable comme producteur, évidemment. Et comme réalisateur aussi. Donc c'est à partir de ce moment-là que vous créez les Films du Nord ou ça existait déjà et la boîte ? Non. Eh bien, en fait, j'ai créé donc, ma première association qui s'appelle Lux Fujit Film en 1992. J'ai créé en 1997, donc ça, il y a 10 ans, les Films du Nord, quand je commençais à me développer et je devais faire un long métrage avec Bruno Monzelakis à ce moment-là. Et ensuite, en 1997, j'ai créé la boîte à Bruxelles. Donc, 2 ans plus tard, je suis passé, entre guillemets, à une société commerciale. Et puis, j'ai créé Digitanima il y a quelques années en Wallonie. En plus, pour toucher des fonds à nouvelles technologies en Wallonie. Donc, en fait, à la fois, vous passez à l'animation, à la fois par goût, et en même temps, parce que vous sentez qu'il y a un impact plus fort. Mais par goût, c'est vrai qu'il y a un faisceau de raisons. En fiction, j'ai fait beaucoup de courts-métrages et tout le monde me poussait pour que je fasse au long. Et je n'avais pas envie de passer au long. D'abord, il y a plein de très bons producteurs de long et je me sentais meilleur producteur de courts-métrages que de long. Et en plus, énormément de scénarios qui m'arrivaient commençaient à être ronronnants, tournant tout le temps autour du même sujet, des mêmes traitements. Et alors qu'en animation, c'était des traitements graphiques chaque fois extrêmement différents, des univers très particuliers. Donc je me suis rendu compte que je pouvais rester dans le cours, je suis un passionné du cours, que je pouvais passer à une démarche de création beaucoup plus large, beaucoup plus forte avec l'animation. Et comme dans le Nord et en Belgique, il n'existe pas de producteur de films d'animation, de court-métrage d'auteur, il n'en existe pas. Comme il y a énormément d'écoles, comme il y a énormément de talents, de traditions graphiques, je me suis dit, mais pourquoi il n'y en a pas ? Ben, je prends la place, j'ai pris la place. Ce n'est pas facile pour autant, mais c'est vrai que je prends une place que je trouve était énorme, béante, et je suis très heureux d'y être. Vous avez tout de suite eu la main heureuse quand même ? Ben, j'ai commencé avec La Femme Papillon de Virginie Bourdin. C'était un projet très lourd dès le départ. Folie furieuse. Non, c'est un film qui faisait quoi, 12 minutes Un film de 10 minutes, un peu plus, marionnette avec image de synthèse, un film de 250 000 euros. J'y connaissais rien en animation, vraiment, je peux dire que j'y connaissais rien, ni en production, beaucoup, ni en marionnette, j'en avais jamais fait. Enfin, il y avait Fragile, qui était un film de fou aussi, mais j'avais été épaulé par Samza Film au Luxembourg, donc c'est eux qui avaient pris plus la technique en main. Là, j'ai tout dû inventer, j'ai été refusé au CNC, j'ai pas eu de télévision, heureusement le Crave Nord-Pas-de-Calais m'a aidé. Et finalement, pour une œuvre française, j'ai eu surtout du soutien en Flandre, en Wallonie et en communauté française et belgique, pour avoir assez de fonds, pour engager autour de moi des professionnels. Pas en production malheureusement, mais en tout cas en animation, en marionnette, en image de synthèse, il y a eu autour de Virginie Bourdin une très très belle équipe. Et bon, on a failli se casser la figure plusieurs fois, j'ai failli arrêter à la fin du film tellement que c'était dur, mais le succès du film a fait que ça nous a encouragés à poursuivre. Et du coup, ça a déterminé finalement tout un mode de fonctionnement, alors coproduction, France-Belgique, Achète du Crabe. Oui, alors c'est vrai qu'on tient, grâce à ça, les Films du Nord ont pu avoir une stratégie grâce à l'aspect transfrontalier. Parce que mon idéologie est de faire des productions professionnelles avec des gens qui sont payés, de travailler en famille, hein, pour reprendre le même terme, c'est-à-dire que tous les réalisateurs sont techniciens d'animation et travaillent sur les films les uns des autres. C'est très important parce qu'ils sont très soudés, ils se connaissent, moi je les connais de mieux en mieux. Et puis on peut aussi préparer ensemble les prochains projets. On a toujours un an d'avance dans notre tête, et moi j'essaie d'avoir un an d'avance dans mes financements quasiment pour avoir toujours du travail qui arrive. Et donc c'est Wallonie, Flandre, Communauté française, Nord-Pas-de-Calais, et j'essaye le CNC et les télévisions aussi pour avoir des budgets qui oscillent toujours entre 70 et 120, 130 000 euros pour payer les gens pour faire des films en 5, 6, 7, 8, 9 mois plutôt qu'en 1, 2, 3 années. Quoi. Oui, alors c'est le terme de famille qui revient, c'est vrai qu'on parle aussi beaucoup de famille quand on parle de l'équipe des gens qui travaillent avec vous. Il y a ce côté famille. Alors ça veut dire aussi parfois un petit peu fermé. Il y a des gens qui aimeraient bien dire ah, j'aimerais bien travailler avec lui, ça a l'air bien, on peut ça. Vous avez la réputation de très bien financer les films, hein. C'est-à-dire qu'ils sont bien produits, les gens sont payés, c'est quand même important. Oui, c'est très important. Parfois ça se tourne contre moi parce que j'ai entendu des gens qui disaient ouais, ils bouffent à tous les râteliers. Bon, ça veut dire quoi bouffer à tous les râteliers quand on parvient à monter des films ambitieux pour payer des gens? Mais c'est vrai qu'on essaie d'être très ouvert. Parce que bon, mon ambition, hein, c'est clairement de créer un réseau européen de studios et de producteurs et d'auteurs, réalisateurs et techniciens, et de Bon, par exemple, je deviens le coproducteur attitré des courts-métrages d'animation français en Belgique. Je coproduis Vos papiers de Clairefou avec Les Armateurs, Marotte de Benoît Razi avec Folimage, Sacre Bleu Production produit Cédric Babouche, L'Imago, que je coproduis aussi avec Le Nord. Et là, je viens d'avoir, il y a deux jours, la réponse positive de la communauté française de Belgique, qui coproduit autour de 35 000 euros le film d'Élodie Bouedec, produit par... m'aider, j'ai un trou de mémoire, non, je sais par plus. Frédéric Jouve, Moby Dick. Ouais. Moby Dick. Donc, je suis ravi de ça. Maintenant, il faudrait que la France, que le CNC, entre autres, comprenne qu'il faut s'ouvrir aussi. Et que moi, mes projets se font systématiquement caler au CNC, français comme belge d'ailleurs. Et, quelque chose, là. Il y a eu Chahut, quand même, qui a été aidé par le CNC, et deux films par le COSIP. Mais bon, peu importe, je pourrais polémiquer là-dessus longtemps, mais surtout, c'est l'idée de d'étendre un réseau et... Claire Fouquet est montée d'Angoulême à Roubaix, où j'ai monté un studio pendant 3 mois de 10 personnes pour l'aquarellage de tout son film. Elodie Bouedec vient en résidence d'artiste à Bruxelles pour son film. Vincent Birowartz, j'aimerais bien le faire descendre à Folimage en résidence d'artiste aussi pour son prochain film. Donc c'est le réalisateur du Portefeuille pour son prochain film qui s'appelle Le Pont. Donc voilà, j'ai envie que tout ça se mélange. Donc c'est à la fois famille, effectivement, cellule familiale, il y a une sorte d'embryon, mais cet embryon, les cellules doivent se toucher les unes les autres et grandir. Et au niveau européen, on a un très gros projet en cours de 15 films avec la Hollande et 8 autres pays européens, de 15 films d'une minute, qui sont chaque fois l'adaptation d'un poème d'un auteur contemporain dans chacun des pays européens. Et après, ça doit se mettre ensemble et circuler dans tous les pays aussi. On peut encore en parler de ça. Donc en fait, il y a deux choses. Il y a des on va dire des coproductions avec des projets qui peuvent venir des armateurs ou de Folimage, on a cité, ou Moby Dick. Et puis il y a des gens qui sont vraiment plus dans la famille, donc des projets que vous portez vous. Alors, je suppose que vous choisissez les projets, mais vous choisissez aussi forcément les individus, puisque s'ils sont amenés à travailler sur les films des autres, Tout à fait. Et à vivre vraiment avec vous un petit peu, on va dire, en tout cas à travailler au quotidien. Ce n'est pas des réalisateurs avec qui vous travaillez une fois et puis qu'ensuite vont voir ailleurs. Ça peut arriver. Tout à fait. C'est bon. Et après, tout le monde est libre de partir, de rester. Ils sont tous très jeunes. Je leur dis, vous allez évoluer. Vous n'êtes pas obligé de rester ici. On n'est pas en fusion. Enfin, en fusion un certain temps, mais vous pouvez partir. Et de toute façon, la fusion, elle fait toujours un temps. La passion aussi. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer de forcer la nature. Donc, je prends un exemple qui est Gabriel Jaquel, qui est sorti de l'ESAT à 21 ans. Il a été stagiaire model sheet sur La Femme Papillon. Puis, il a été stagiaire sur Square Queen. Je l'ai engagé. Il est devenu intermittent sur Square Queen. Puis, il est devenu animateur, premier assistant de Vincent Birowartz sur Le Portefeuille. Puis, il a été premier assistant sur Bonhomme. Et puis, là, je prépare son prochain film, son premier film en tant que réalisateur. Lui, il est en connexion avec des gens, Gilles Cuvelier, qui sortait des Gobelins, qui m'a fait rencontrer, qui est venu faire un test sur Les Fables en délire, que j'ai gardé comme assistant animateur sur L'Écrivain. Il était là, l'écrivain prenait trop de temps, il avait des jours, il était payé tous les jours, mais des jours, il n'y avait pas de travail, mais je l'ai fait développer mon projet Signe de vie. Et puis, lui, il connaît quelqu'un qui vient de l'inconnu. Et en fait, c'est une sorte les liens de chacun, fait que ça s'agrandit. Je l'ai choisi, mais je l'ai choisi grâce à tout le monde. C'est Gabriel Jaquel qui a amené Gilles Cuvelier, c'est Claire Fouquet qui m'a parlé d'un jeune stagiaire qui sortait de son école à Poitiers, Samuel Guenelet, qui était breton, qui m'a dit « Est-ce que je peux venir faire un stage ?» Il est venu faire un stage payé par la Bretagne pendant 6 mois, je l'ai engagé tout de suite derrière. Donc c'est l'interconnexion qui fait la constitution de la famille. Et puis après, j'ai dit à Gabriel Jaquel il n'y a pas longtemps, je crois que tu es 15 ans plus jeune que moi, un jour tu auras envie d'avoir ton propre studio, donc n'aie pas peur de m'en parler. Si tu as envie dans un an, dans deux ans, trois ans, ne crois pas que je vais t'empêcher de le faire, je vais t'aider à le faire. Parce qu'il faut que ce soit comme ça, il faut que ça s'ouvre. Oui, de toute façon, après ça, la famille devient trop grande, non? Oui, et moi je me fatigue aussi. Moi je me fatigue parfois aussi. Parfois j'ai envie de dire, les gars, j'ai envie de prendre un an de sabbatique ou préparer un film à l'aise. Et pour l'instant, je leur ai promis assez d'heures par an. Tant qu'on travaille ensemble, je vous promets un ou deux projets sur lesquels je vous ferai en tout cas vos 600, 700, 800 heures d'intermittent du spectacle. Donc ça marche dans les deux sens, c'est des gens qui peuvent amener les projets, mais c'est aussi des gens qui ont travaillé chez vous, même par le biais de stages ou qui ont travaillé sur un film, qui peuvent être amenés à proposer eux un projet. Il y a un noyau de gens qui j'ai promis de les amener. Je suis vraiment un accompagneur d'auteur. C'est en fait la base de mon métier. Je suis scénariste et je suis un amoureux du travail d'auteur. Donc tous ceux qui sont là sont promis à devenir auteur-réalisateur. Un jour ou l'autre. Et je leur donne la chronologie. Je leur dis, bon voilà, il y a eu Gilles, il va y avoir Gab, il va y avoir Claire Trollet, puis il va y avoir Samuel Guenelet. Tous, préparez-vous un jour ou l'autre à prendre en main un projet avec moi. Vous allez être réalisateur. Y compris jusqu'à les accompagner à créer leur propre studio. Oui, oui, tout à fait. Et là, je suis en train de travailler, parce que je crois que Gilles et Gabriel, Gilles Cuvelier, Gabriel Jaquel, je crois que ça fait naître dans leur cœur, et je préfère les accompagner là-dedans plutôt que de dire merde, il y a un truc qui va m'échapper. Parce que le mieux, c'est de collaborer 15 ans librement plutôt que 3 ans de trop lié. On va faire une petite pause musicale, hein, Arnaud. Oui, alors ma première musique est assez représentative, c'est une musique qui vient du 15e, 16e siècle, la Renaissance. C'est des polyphonies franco-flamandes. Alors, je l'ai choisi parce que quand je suis en Wallonie, on dit que j'ai un nom flamand. Quand je suis en Flandre, j'ai un accent francophone. Et quand je suis en France, on dit que je suis belge. Oh, d'ailleurs, vous avez quelle nationalité ? Je suis franco-belge. J'ai les deux, mais j'ai une grand-mère de Charleroi à Wallonie, j'ai un grand-père flamand, j'ai une grand-mère d'Angleterre et un grand-père du Nord-Pas-de-Calais. Européen. Et en fait, cette polyphonie, au 15e et 16e siècle, ces musiques polyphoniques franco-flamandes ont influencé toutes les cours européennes au niveau musical. Et les grandes écoles, c'était Mons, Tournai, Bruges, Anvers, Douai, Arras, Cambrai. C'est tout ce territoire-là. Et c'est ce territoire qui est le mien. Mmh. Et voilà, je l'ai pris un peu symboliquement. D'abord, c'est une musique que je trouve sublime, mais qui représente plutôt l'unité, enfin le territoire culturel, plutôt que les séparations nationales ou régionales, qui doivent collaborer pour retrouver leur racines culturelles. Et Interreg m'aide pour ça. Et j'en ai parfois marre de devoir me justifier, de dire je suis belge, ou je suis flamand, ou je suis wallon, ou je suis bruxellois. Voilà, je suis un mélange de tout ça, comme cette musique et comme tous mes films. En fait, vous êtes un porte-parole d'une culture en fait, qui est transfrontalière, on va dire. Ah oui, bah c'est comme ça qu'on arrive à faire des films d'animation, en payant les gens. Et on crée culturellement dans une région. Oui, non, mais c'est formidable. Voilà, donc c'était un morceau de Nicolas Gombert, du 15e siècle, et c'est Paul Nevel qui orchestre ça avec son ensemble Ad Huelvas, un ensemble flamand de Gand. toujours sur Radio Libertaire. On est désolé, on est en train de parler. Donc 89.4 et Cellule de rêve, émission consacrée au cinéma d'animation. On était avec Arnaud Demuin, producteur, réalisateur. On n'a pas encore parlé du réalisateur, mais on va y venir. Vous communiquez beaucoup sur les films que vous produisez. Moi, ça m'a toujours impressionné. Des petits fascicules, les DVD, tout ça, ça c'est très important. Vous avez une pratique qui, là, est un peu inhabituelle, on va dire, dans le métier. Aucun autre producteur fait ce genre de choses-là. Ben, sans du tout vouloir critiquer mes collègues qui font souvent tous leur boulot comme ils le sentent, c'est fondamental de faire ça, parce que sinon je vois pas pourquoi je produirais des films si c'est pas pour les montrer et les amener au public le plus largement possible. Non, mais vous les accompagnez particulièrement, c'est vrai que tous les producteurs ont envie de ça. Mais je crois que, bon, on dit souvent le court-métrage n'est pas vu, mais le court-métrage est vu si on donne, si on y met l'énergie. Ceci dit, on y met beaucoup d'énergie et on y perd beaucoup d'argent. Moi, j'y mets tout ce que je peux et ça fragilise terriblement ma structure, évidemment. J'ai entendu dire une fois à Lille, plus un court-métrage a du succès, plus il coûte cher à son producteur. Bah oui, parce que plus il faut tirer des copies, plus il faut gérer ses copies, parce qu'elles doivent bien revenir, elles doivent être contrôlées, et plus il y a du travail pour gérer le succès. Et voilà, en fait, c'est pour la gloriole alors. Non, c'est pas pour la gloriole, c'est pour que les films soient vus. Ouais. Et c'est vrai que là où j'estime que c'est un investissement, même si j'y perds de l'argent au niveau commercial, c'est que normalement la reconnaissance amène les fonds ou les commissions à dire bon, c'est un bon producteur, on va continuer à lui faire confiance. Et d'ailleurs ça marche. Le CRAV dans le Pas-de-Calais, la Comédie Française Belgique, m'aide très régulièrement. Pourquoi? Parce qu'ils voient le succès des films. Et donc j'ai un retour sur cet investissement. Évidemment, je suis pas fou, mais ceci dit, je crois que ça vient aussi d'une grande souffrance que j'ai eue à l'époque de la fiction, où je produisais des films que j'adorais personnellement. Ça se voyait pas, c'était pas sélectionné, mais à un moment donné, c'était déprimant. Et là, j'ai pris le contre-courant en y mettant vraiment la patate. C'est-à-dire que chaque film, dès qu'il sort, il y a 10 copies qui existent. On l'inscrit dans 200 festivals, il y a une personne qui s'occupe que de ça. On fait les DVD, on fait les infos d'anime, on fait les affiches, le matériel promotionnel, et on l'envoie partout. Alors évidemment, ça m'a demandé des certaines négociations qui sont remises en cause maintenant avec mes partenaires financiers, parce que normalement, il y a un retour sur recette. Je vends un film, moi, j'ai que 10% en tant que producteur, j'enlève 30% en tant que distributeur, mais tout le reste va... retour aux sources. Et en fait, j'ai fait passer dans pas mal de mes contrats que tous les frais promotionnels, quels qu'ils soient, même pas attachés à la vente, évidemment, puissent être enlevés des recettes. C'est-à-dire que les frais d'inscription au festival, si je fais une vente France 2 de mon film, il me l'a très bien acheté, je vais prendre une grande partie de cet argent pour les inscriptions au festival. J'ai eu une discussion avec, entre autres, Vincent Leclerc, nouveau directeur du CRAV, qui m'a dit: Arnaud, c'est un peu limite ton système, normalement c'est pas comme ça que ça se passe. Je dis: mais c'est grâce à ça que mes films sont vus. Si tu m'enlèves ça, je ne peux plus faire ce travail. Donc c'est une négociation peut-être à refaire. Mais c'est vrai que cette promotion est payée par le retour sur les films, au détriment de mes partenaires financiers, qui ont accepté que le retour sur recette ne vienne qu'exceptionnellement si vraiment le film marche extrêmement bien commercialement, ce qui est quasiment impossible avec un court-métrage, tout le monde le sait. En plus, la durée des courts-métrages d'animation est plutôt plus longue que des courts-métrages en fiction, non? Au niveau de la diffusion, la durée de vie. La durée de vie, la durée de vie est beaucoup plus longue, c'est 2-3 ans de carrière. Oui, tout à fait, le portefeuille, il y a toujours 10 à 15 copies production qui circulent depuis 2 ans. Enfin, moi, je ne comprends pas. Il y a quelqu'un qui me demande pour la copie du portefeuille, je dis: oh oui, il n'y a pas de problème, il y aura sûrement disponibilité, vu que ce film a 2 ans. Puis François là-dessous qui s'occupe de mes films, il dit: mais t'es dingue, non, là pour le mois de mars, c'est bouché, quoi. Toutes les copies circulent. Donc c'est vrai que c'est pas fini, apparemment. L'animation que je produis pour l'instant, c'est sans dialogue, donc c'est vrai que ça ouvre aussi beaucoup plus les portes internationales. Il y a beaucoup moins de production d'animation que de fiction, donc le public est content de le voir, et donc quelque part il y a plus de place disponible, donc il y a énormément de facteurs qui fait que ces films circulent beaucoup. Mais c'est quand même une économie un peu précaire, les courts-métrages. Vous avez parfois la tentation de vous lancer dans des projets plus lourds, il y a un projet de série. Alors, j'ai souvent la tentation d'arrêter, surtout la nuit quand je fais des insomnies, parce que je me dis que je ne tiendrai pas comme ça longtemps. Et c'est ce que je dis entre autres à mes jeunes équipes, je dis: écoutez, je vais user un jour ou l'autre en tant que producteur peut-être, donc n'oubliez pas que vous devez aussi vous prendre conscience de ce que ça veut dire que de produire, que d'avoir un studio, qu'un jour moi je peux craquer, qu'un jour je peux en avoir marre, parce que ça use, et que j'ai peut-être envie d'écrire ou de réaliser plus et de produire moi aussi un jour. Donc j'ai la tentation de passer au long, mais un long en animation, ça prend énormément de temps, donc je vais d'abord coproduire. Il y a des questions éventuellement qu'on travaille avec Jacques Amégirère sur son prochain long métrage, sur Miel et Migou, éventuellement, rien n'est sûr. J'ai été lorgné du côté de la série, Mais la série télé, c'est pire que le court-métrage. Non, mais c'est vrai, être prestataire de série télé en France, puisqu'on vous compare les prix Chine, Corée ou autre, au Canada, où les charges sociales sont moins... Mais c'est pire que le court-métrage. Et moi, j'ai dit non, effectivement, j'ai dit non, parce que la série, je la ferai a priori pour des raisons économiques, pour faire rentrer de l'argent dans le studio, pour pouvoir développer de l'artistique. Mais ça va me pomper encore plus que mes courts-métrages. Donc non, la série, je suis en train de l'abandonner. Par contre, en échange, je développe un concept apparemment un petit peu nouveau, qui est la collection pour le cinéma, comme Les Fables en délire, ou le personnage de Bonhomme, Lunolin, où on fait, avec un même personnage ou des mêmes personnages, plusieurs courts-métrages unitaires. Et on va jusqu'à 4. Et ça crée une fidélité, les festivals redemandent, et puis ça sort là au cinéma avec les films du Préau. Donc j'essaie de trouver des nouvelles formes de diffusion de ces courts-métrages, nouvelles formes de production, et de rendre, d'avoir une certaine rentabilité pour mon studio. Ah oui, là aussi, j'ai un des secrets, je vais vous le délivrer, c'est que je suis mon propre prestataire avec mon propre studio qui s'appelle Suivez mon regard, et qui est le diffuseur des films, et c'est le studio qui paye la plupart des frais de promotion, parce qu'avec, entre guillemets, le bénéfice que je peux faire sur certains films en tant que prestataire, ben je l'investis dans la promotion. Donc le producteur, il est toujours fauche, toujours fauché, mais le prestataire qui est le studio, parfois sur des bons films, fait du bénéfice. 5, 10, 15 000 euros, et ça, c'est réinvesti dans les films, puisque le bénéficiaire, le studio prestataire, est aussi celui qui diffuse les films. Bon, c'est un truc de passe-passe. Hein. Alexis ? Oui, pourtant, Folimage réussit bien à faire des séries, puis des courts, et maintenant, évidemment, des longs, et faire cette économie entre la série, comment réussir. Mais sont en copro international. Oui, mais on peut... Oui. Alors, moi, j'ai essayé d'analyser, j'essaie de comprendre le modèle économique de Folimage, je ne le comprends pas encore. Si je suis plus proche d'eux, je le demanderai. Ils ont 20 ans, moi, j'ai 3 ans. C'est un long parcours, Jacques Rémy-Girard, ils ont un long parcours exemplaire qui demanderait d'être analysé finement. C'est une autre époque aussi. Ouais, c'est une autre époque aussi. Maintenant, je ne suis pas sûr que Mine de Rien, par exemple, une série en dessin animé réalisée par Jacques Rémy-Girard, je ne suis pas sûr que ce soit encore possible aujourd'hui, vu les coûts que ça demanderait. Hilltop, qui était une série en pâte à modeler, a été quand même coproduite avec l'Angleterre, oui. Donc c'est peut-être pas tout à fait les mêmes données. Folimage, mais c'était une série anglaise. Je crois qu'aujourd'hui, ça devient dur. Par contre, ce qu'il y a aujourd'hui de possible, mais il faut encore y travailler beaucoup, c'est les coproductions européennes. Et Folimage est en train de comprendre ça aussi, parce qu'ils veulent s'ouvrir avec l'Allemagne, bon, ils parlent avec nous au niveau de la Belgique, et je crois que c'est là l'avenir, du long évidemment, mais du court-métrage aussi. Moi je dis, arrêtez de produire à Paris, allez à la périphérie, parce qu'à la périphérie, il y a les pays limitrophes avec qui il y a moyen de travailler, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Belgique, l'Angleterre. Et là, il y a moyen de travailler sur la frontière, parce qu'il faut partager les équipes. C'est obligatoire pour la coproduction, il faut partager les équipes. La femme papillon, c'était extraordinaire. Il y avait du wallon dans les nouvelles technologies, il y avait du flamand dans l'animation, il y avait du bruxellois au niveau du studio, il y avait du Nord-Pas-de-Calais. Il a fallu faire collaborer tout ça. Sans être sur la frontière, c'est impossible. On va peut-être faire une autre pause musicale, et puis après ça, on écoutera la chronique d'Alexis. Qu'est-ce que vous nous avez amené d'autre, Arnaud ? Alors, l'autre morceau très très différent, je déteste acheter sur les aires d'autoroute, mais je suis beaucoup sur les routes, évidemment, pour ce métier. Donc, un jour, je regarde les disques et je vois un disque de Duke Ellington. Je dis, ça peut pas être mauvais, même sur une aire d'autoroute. Et il y avait deux disques, un qui n'était pas terrible, mais l'autre qui était génial. Et il y avait un morceau qui avait un nom incroyable, PS-170. C'est le titre d'une œuvre, et qui est d'une grande poésie, qui a tout ce que j'aime dans le jazz, le swing, le mystère. C'est un morceau de Duke Ellington, qui est très chouette. Qui n'est pas du Nord-Pas-de-Calais, ni de Wallonie. Non, voilà, on s'ouvre quand même. Ah bon, il est pas bête. Allez, on se retrouve après.